revient vers l'anneau en mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu sens que tu blêmis à présent qu'à sonner l'heure. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien vers l'aine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Les jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis à présent qu'à sonner l'heure. Les adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais quand tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien vers l'aine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis à présent qu'à sonner l'heure. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret